vendredi après-midi. Le papier. Le tabac. Le briquet. Et bonjour et bienvenue à cette émission Rock Classique de ce vendredi 13 février de l'an 2009. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai l'accompagnant en musique pour les 4 prochaines heures, c'est-à-dire jusqu'à 17 heures. Aujourd'hui, émission spéciale Saint-Valentin. Donc, au cours des 4 prochaines heures, je vais vous présenter des pièces de circonstance dans à peu près tous les styles de musique associés, regroupés sous la grande bannière rock classique. On va entendre du rock progressif, du rock psychédélique, du hard rock, du blues rock, du folk rock, du AOR, du southern rock, glitter rock, boogie, du rock symphonique, ainsi qu'un peu de métal vers la fin. On va entendre entre autres des artistes, des groupes comme Lynyrd Skynyrd, Alice Cooper, Led Zeppelin, Kiss, Crosby, Stills and Nash, Foghat, The Doors, 10 Years After, 10cc, Frank Zappa, Electric Light Orchestra et AC/DC avec des pièces qui parlent d'amour. Mais qui dit chanson d'amour ne dit pas nécessairement ballade. Et notre première pièce en est un exemple tout à fait éloquent. Derek and the Dominoes avec Layla sur les ondes de la seule station diffusée du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Just jump through. Beatles avec Something, une chanson qu'on retrouve sur l'album Abbey Road de 1969 et que George Harrison a écrit pour sa femme de l'époque, Patty Boyd. Une des plus belles chansons des Beatles. Et au début du bloc, on a entendu une autre chanson d'amour qui a été écrite pour Patty Boyd, celle-là par Eric Clapton, la pièce Layla tirée de l'album Layla and Other Assorted Love Songs. De Derek and the Dominos, paru en 1970. Patty Boyd, qui a inspiré comme ça ces deux monuments du rock, elle a quitté George Harrison au début des années 70 pour aller vivre avec Clapton, avec qui elle est restée pendant plusieurs années. Je vais revenir là-dessus, cette histoire-là de Patty Boyd, un peu plus loin dans l'émission. Entre Layla et Something, on a entendu Rod Stewart et les Faces qui nous racontaient un soir de brosse et la conquête peu ragoûtante que Rod a ramenée à la maison ce soir-là. Bizarre de chanson d'amour. 13h21, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Saint-Valentin avec seulement des pièces de circonstances qui nous parlent uniquement d'amour. Donc, une émission qui devrait plaire aux amoureux du rock. En marge de notre thème, plus tard dans l'émission, je vais vous présenter une nouveauté, le tout nouvel album des Damned de So Who's Paranoid, qui est paru en décembre dernier. Cependant, contrairement à ce qu'on avait annoncé la semaine dernière, je ne vais pas vous présenter de groupe obscur cette semaine. Je vous avais annoncé que je présenterai la formation allemande German Oak. C'est donc remis à dans deux semaines, puisque la semaine prochaine, je vais vous présenter le groupe anglais Witchfinder General. Pour l'instant, on va poursuivre avec trois gros canons. Dans un moment, on va entendre Lynyrd Skynyrd, mais tout de suite, on écoute Stevie Wright à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières, la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Let your hair hang down. Eevee, Eevee, Eevee. Evie, there seems so much to say, but if you know me well, you'd understand the way I do. Must be a better way to say the things I feel, the love I only know with you. But I don't know what it is that makes me feel the way I do. The sun is shining down, my eyes are open now, I see so much I never knew. Evie, I wanna thank you now, giving me this child, so much a part of me and you. Oh, I don't know what it is that makes me feel the way I do. Oh, Evie. Oh. Much in love with you. Boy or a girl, yes, I had a Rock Classique 89.1. Ever seen a blind man cross the road, trying to make the other side? Ever seen a young girl growing old, trying to make herself a bride? So what becomes of you, my love? Your granddad had to sweat so you could buy, baby. Once I was a young man, and all I thought I had to do was smile. Still a young girl, and you bought everything in style. Listen. And once you think you're in your heart, 'cause you don't mean a single thing without the handbags and the glad rags that your granddad had to sweat so you could buy. Sing a song of sixpence for your sake, and take a bottle full of rye. Four and twenty blackbirds in a cake, and bake them all in a pie. You just throw them all away. Handbags and the glad rags that your poor old granddad had to sweat to buy. Rod Stewart avec la pièce Handbags and Glad Rags tirée de son premier album solo, The Rod Stewart Album, paru en 1969. Juste avant ça, on a entendu Procol Harum avec la version stéréo de A Whiter Shade of Pale qu'on retrouve sur leur album compilation Classic Tracks and Rarities, an Anthology, pièce qui était inédite jusqu'à 2002. Au début du bloc, on a entendu Chicago avec Color My World, c'est tiré du premier album homonyme de Chicago, paru en 1970. 14h22, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial de Saint-Valentin avec seulement des pièces de circonstance qui nous parlent uniquement d'amour. Donc, une émission qui devrait plaire aux amoureux du rock. Dans le prochain bloc, on va entendre entre autres Ten Years After et Led Zeppelin. Mais tout de suite, on écoute Jimi Hendrix à l'antenne de CIFU 89.1, la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. Stayed with me just long enough to rescue me. And she told me a story yesterday about the sweet love between the moon and the deep blue sea. And then she spread her wings high over me. She said she's gone. Back tomorrow, and I said, fly on, my sweet angel, fly on through the sky, fly on, my sweet angel. Tomorrow silhouette against a child's sunrise. And my angel, she said unto me, today is the day for you to rise. Take my hand, you're gonna be my man, you're gonna rise. And then she took me high over yonder. And I said, fly on, my sweet angel, fly on through the sky. Pour la Saint-Valentin, Kamel Hotzman vous invite à une nuit chaude et torride, tout en jazz, de minuit à 3 heures, sur les ondes de C'est Fou. Erreur d'exécution. Fichier trouvable. Vous devez redémarrer CNX. CNX.com. CNX, c'est l'émission pour les amateurs de technologie. Gadgets, critiques, sites web, nouvelles, logiciels, musique de jeu et autres geekeries. CNX, l'émission la plus geek de la radio. Jeudi 11h ou lundi 10h, à C'est Fou. Les Patriotes de l'UQTR, tradition d'excellence. Bonjour, je m'appelle Mathieu Gravel, je suis étudiant en kinésiologie et capitaine de l'équipe hockey des Patriotes. Je t'invite à venir nous voir jouer tout au long de la saison 2008-2009. Soit de la partie, soit Patriote. Empreinte galactique, Valsalva, Elvis Versa, les mal léchés. Ils ont tous gagné les mardis de la relève du Gambrinus. Tous les mardis dès 21h, viens découvrir des bands qui ont du talent. Nombreux prix de présence. Les gagnants de cette 12e édition mériteront plus de 10 000 $ en prix, dont une séance d'enregistrement en studio et diffusion de sa chanson sur les ondes de C'est Fou. Les mardis de la relève au Gambrinus, une collaboration musique Daniel Côté, La Barrique, Studio Piccolo et Studio Newton. Un événement en production Joshua et C'est Fou. Vous êtes assez fou. yes, yes, yeah. Come on, mama, mama. Yes, yes, yeah. Come on. Yes, yes, yeah. Look out, baby, I'll play the blues for you. Play the blues, man. Vous êtes dans notre dimension rock classique jusqu'à 17h. Baby, baby, baby, I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. Summertime, leave you when the summer comes rolling. Leave you when the summer comes calling me the way it used to do. good. You may be happy every single day, but now when it's calling me back home. Led Zeppelin avec leur classique Babe, I'm Gonna Leave You, tiré de leur premier album homonyme, paru en 1969, pièce au texte très ambigu. On n'est pas sûr de comprendre. Il parle de quitter sa blonde. Ensuite, il parle, un peu plus loin dans la chanson, il parle d'aller se promener avec elle tous les jours dans le parc. Ça demande quelques éclaircissements. On n'est pas sûr de comprendre. Juste avant ça, on a entendu Alvin Lee nous parler que lui, il a hâte de revenir à la maison et de retrouver sa blonde avec la pièce version spectacle de I'm Going Home. C'est tiré de l'album Recorded Live, paru en 1973. Album, un très bon album de Ten Years After. Et au début du bloc, on a entendu Jimi Hendrix avec la pièce Angel qu'on retrouve sur son album First Rays of the New Rising Sun, album enregistré en 1970. 14h45, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. Rock Classic qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle du tout nouvel album des Dames d'un groupe que mon ami Fred Durand de l'émission Le Voyage Insolite, émission qui est diffusée sur les ondes de C'est Fou tous les lundis soirs à 19h, émission entre autres consacrée au rock psychédélique. Eh bien, Frédéric aime beaucoup, entre autres, cette formation de Dames qui ont sorti en décembre dernier un tout nouvel album intitulé So Who's Paranoid, qui est malheureusement très difficile à trouver chez les disquaires de la région. C'est dommage que c'est un bon album des Dames. Dames qui font carrière depuis plus de 30 ans. Un groupe qui a fait ses débuts à l'époque de l'invasion punk en Angleterre, en même temps que les Sex Pistols et les Clash. Mais ce sont les Dames qui ont eu l'honneur d'avoir sorti le premier single et le premier album britannique de punk rock de l'histoire en 1976, l'album Damn, Damn, Damn. Groupe formé à l'origine par le bassiste et guitariste Captain Sam Sybil, le batteur Rat Scabies et le chanteur Dave Manian. Le groupe est aussi un peu responsable du mouvement gothique. Personnellement, j'ai pas suivi de très près la carrière des Dames. Les Dames que je connais, moi, ce sont ceux du premier album Damn, Damn, Damn et de Machine Gun Etiquette, deux albums qui datent de 76 et 78, si je ne m'abuse. Je suis pas un connaisseur du groupe comme Fred Durand peut l'être. Par contre, l'enthousiasme de Frédéric par rapport à cet album a été tout à fait communicatif et je me le suis procuré. The Damned, c'est un groupe dont les racines profondes sont dans les années 60 et particulièrement dans le mouvement psychédélique. Mais selon Frédéric, jamais ce groupe ne l'a autant démontré et assumé de façon aussi évidente que sur le nouvel album. Par moments, le son psychédélique des années 60 est tout à fait authentique à cause surtout de l'orgue Hammond qui baigne à profusion dans la réverbération et les guitares un peu phasées comme sur la pièce, la longue pièce, pièce de résistance de l'album Dark Asteroid qui clôture le disque avec brio. Quand les pièces sont bonnes, c'est vraiment très bon. Comme sur les trois qu'on va de tout de suite entendre, les trois meilleures pièces de l'album, selon moi. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières et la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! get your face on some real TV. Some petrol in a car so you can feel free, free, free. We'll make it, ooh, a nation fit for heroes. The evidence is all overdue. Ovation for the heroes. We've hit a while the world's burning now. One view with a single blaring headline. One man and a gender and a deadline. But never mind the things that the papers say. The golden eagle sings and they go away, way, way. They call it, ooh, a nation fit for heroes. The evidence is all overdue. A zombie land for zeros, from cradle to the grave. We'll be right back. dogs I feed, craving sleep. Hypnotize me, poison my dreams. You rape my memories, gently. Smiling faces through the ages, animated innocently. Desperation ups the stakes onto the table. Holding aces never pays while ever romancing gold. Under the skin I crawl, but under the wings I fall. Under the wings I fall. I'm crawling. Smiling faces through the ages, and a meeting innocently ever waiting, turning the pages slow. Time you should go. trois pièces des Damned tirées de leur dernier album intitulé So Who's Paranoid, paru en décembre dernier. On vient d'entendre la pièce de résistance de l'album, à mon avis, Dark Asteroid, qui clôture le disque avec brio et qui est tout à fait éloquente des racines psychédéliques des Damned. C'est vraiment réussi comme pièce. On pense à Pink Floyd avec Barrett ou à certains groupes de garage psychédélique de la fin des années 60. Juste avant, on a entendu deux autres très bonnes pièces, Under the Wheels et A Nation Fit for Heroes, les deux pièces qui ouvrent l'album avec force. C'est vraiment très bon. Malheureusement, le reste du disque n'est pas aussi fort que les trois spécimens qu'on vient d'entendre. Ce n'est pas psychédélique du début à la fin. On retourne souvent au rock gothique des années 80. Il y a d'autres bonnes chansons dans la veine de celles qu'on a entendues comme Dr. Wolfenstein. Il y a aussi Nothing dans un registre un peu plus punk rock. Mais il y a aussi des trucs plus moyens comme Made for Pleasure, Perfect Sunday et Little Miss Disaster qui sont assez banales. Et on retrouve aussi des choses carrément mauvaises comme Shallow Diamonds, A Danger to Yourself et Nature's Dark Passion. Ça dépend des goûts, évidemment, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de fillers pour en faire ce qui aurait pu être un très bon album. Le disque dure 65 minutes, mais j'en aurais facilement retranché un bon 20 minutes et l'ensemble en aurait gagné en force. Mais ça reste subjectif. Les bons moments de l'album sont vraiment très bons, mais l'ensemble est très long à mon humble avis. Voilà pour ma nouveauté de la semaine. La semaine prochaine, je vais vous présenter une formation de thrash britannique qui s'appelle Silosis. 15h12, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Saint-Valentin avec seulement des pièces de circonstances qui nous parlent uniquement d'amour. Donc, une émission qui devrait plaire aux amoureux du rock. Plus tôt, je vous ai présenté deux pièces qui ont été inspirées par la même femme, deux des gros canons de l'histoire du rock, Something des Beatles et Layla d'Eric Clapton, qui ont été inspirées par Patty Boyd, la première femme de George Harrison. Eric Clapton en était éperdument amoureux. Il est même devenu héroïnomane à la fin des années 60 suite à son rejet. Eh bien, quelques années plus tard, Patty a quitté George pour rejoindre Eric et même elle s'est mariée avec. Et George a invité les deux tourtereaux à venir assister et même participer à l'enregistrement d'une pièce tirée de son album Dark Horse de 1974. Bye Bye Love sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières et la seule station diffusée du Real Rock à Trois-Rivières. C'est fou! Oh, Samedi soir pour la Saint-Valentin, Kamel Hotzman vous invite à une nuit chaude et torride, tout en jazz, de minuit à 3h, sur les ondes de C'est fou. Le bonheur vous pend au bout du nez. Du 12 au 15 février au Parc Portuaire avec les Nuits Polaires. À ne pas manquer, soirée V13 avec de New Cities et invités au Chapiteau Marlin. Prix d'entrée 10$ plus taxes et frais de service. Ils sont partout. Récemment signés avec Sony, les New Cities déversent leur électro-rock sur les meilleures scènes canadiennes et américaines. De passage dans leur ville natale après une prestation au match des étoiles de la LNH, ils nous promettent une soirée chaude en ce vendredi 13. Dans une atmosphère déjantée où se côtoieront cracheurs de feu et un défilé torride, ils vous donneront des sueurs à coup sûr. Run, baby, run! Pour information et achat, billetterie de la salle Jean-Thompson au 819-380-9797 ou sans frais au 1-866-416-9797. Nuitpolaire.ca. À lire dans cette édition de votre journal Zone Campus. Actualité, création officielle de l'Université du Troisième Âge. Vie étudiante. Une semaine carnavalesque réussie. Sport. Les Patriotes hockey sont champions de division. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Les Patriotes de l'UQTR, tradition d'excellence. Bonjour, je m'appelle Mathieu Ravel, je suis étudiant en kinésiologie et capitaine de l'équipe hockey des Patriotes. Je t'invite à venir nous voir jouer tout au long de la saison 2008-2009. Soit de la partie, soit patriote. C'est fou. 89. Rock Classique 89.1. McCartney avec son immense cave tiré de l'album Red Rose Speedway de 1973. Paul l'a composé pour sa défunte femme Linda et l'a interprété à Québec l'été dernier lors de son concert sur les plaines d'Abraham et il a pris bien soin de lui dédier. Juste avant ça, on a entendu une très belle pièce de John Lennon tirée de l'album Walls and Bridges de 1974, Number 9 Dream. Et au début du bloc, on a écouté George Harrison avec sa bizarroïde reprise du classique des Everly Brothers, Bye Bye Love, qu'il a enregistré en compagnie de son ami Eric Clapton et de son ex-femme Patty Boyd, qui venait tout juste de le quitter pour Eric Clapton, justement. Très étrange session d'enregistrement. 15h28, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Saint-Valentin avec seulement des pièces de circonstances qui nous parlent uniquement d'amour. Donc, une émission qui devrait plaire aux amoureux du rock. Un classique qui a un site web que vous pouvez visiter à l'adresse www.rockclassique.net sur lequel vous retrouverez plein de sections, de choses intéressantes. Il y a un historique de l'émission, il y a des liens vers certains des plus beaux sites consacrés à des artistes de classic rock. Il y a des playlists des émissions passées quand vous voulez savoir ce qui a joué exactement dans une émission en particulier. Le top 30 rock classique, il y a les tops des années passées. Une section balado-diffusion, si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission n'importe quand comme ça dans la semaine. Une section revue aussi dans laquelle vous retrouverez à peu près 80 critiques d'albums parus depuis un an et demi, ainsi qu'un lien pour me contacter, pour me faire des commentaires ou formuler une demande spéciale. Le site se trouve au www.rockclassique.net. Dans un moment, on va entendre Ten CC avec un immense classique des années 70 qui va un peu à l'encontre de notre thème d'aujourd'hui, mais qui est tout de même considéré comme une des grandes ballades innovatrices et originales des années 70, I'm Not In Love. On va aussi entendre ce qui se rapproche le plus d'une chanson d'amour de la part de Frank Zappa. Mais tout de suite, on écoute Emerson, Lake & Palmer sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières. C'est fou! Wanna play some magic on my guitar. Wanna be a poet, you wanna be my string. You could be anything. Do you wanna be the lover of another? Undercover, you could even be the man on the moon. Do you wanna be the player? Let me tell you something, it just don't mean a thing. You see, it really doesn't matter when you're buried in disguise by the dark gloss on your eyes. Though your flesh has crystallized, still lying in my bed. Wanna be color cover magazine, create a scene. Every day a little sadder, a little madder. Someone get me a ladder. Wanna be the singer, wanna be the song. Let me tell you something, you just couldn't be more wrong. You see, I really have to tell you that it all gets so intense. From my experience, it just doesn't seem to make sense. Classique 89A. Give me your dirty love, like you might surrender to some dragon in your dreams. Give me your dirty love, like a pink donation to the dragon in your dreams. I don't need your sweet devotion, and I don't want your cheap emotion. Whip me up some dragon lotion for your dirty love, your dirty love.

Sands ici avec leur classique I'm Not in Love, pièce très originale dont les textures sonores sont faites à partir de pistes de voix superposées, comme ça par-dessus un piano électrique Fender Rhodes. C'est vraiment très original et tout à fait brillant. C'est tiré de l'album The Original Soundtrack, paru en 1975. Juste avant ça, on a entendu Frank Zappa avec son classique Dirty Love, tiré de son non moins classique album Overnight Sensation de 1973. C'est mon album préféré de Frank Zappa. Au début du bloc, on a entendu Emerson, Lake & Palmer avec Still You Turn Me On. C'est tiré de l'album Brain Salad Surgery, paru aussi en 1973. 15h44, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. Rock Classic, et je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Saint-Valentin avec seulement des pièces de circonstances qui nous parlent uniquement d'amour. Donc, émission qui devrait plaire aux amoureux du rock. On va poursuivre avec un peu de rock canadien. Dans un moment, on va entendre le Pat Travers Band et April Wine, mais tout de suite, on écoute Triumph à l'antenne de Cifou 89.1, la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. I wanna make you mine. Is the sky really falling? Or does it just seem that way? Where's my reasons for living? Have they all slipped away? Classique 89 ans. Thank you. Travers Band avec leur classique Stevie, version spectacle tirée de l'album Go For What You Know de 1979. Et juste avant ça, on a entendu une autre formation canadienne, celle-là de Montréal, April Wine avec Come In, Right Down On Top Of Me. C'est tiré de l'album First Glance de 1978. Et au début du bloc, on a entendu le trio torontois Triumph avec Lay It On The Line. C'est tiré de l'album Just A Game de 1979.

Rock Classique jusqu'à 17h. De rock symphonique avec le Electric Light Orchestra. On vient d'entendre Telephone Line, pièce parue à l'origine sur l'album A New World Record de 1976. Juste avant ça, on a entendu une autre formation britannique, Sweet, avec leur classique Love is Like Oxygen. C'est tiré de leur album Level Headed de 1978. Et au début du bloc, on a entendu Fog Hat avec Take It or Leave It, pièce qui clôture avec brio leur album Fool for the City. De 1975. 16h19, vous êtes en compagnie d'Alain Lefebvre à l'émission Rock Classique. Rock Classique qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Saint-Valentin avec seulement des pièces de circonstance qui nous parlent uniquement d'amour. Donc, une émission qui devrait plaire aux amoureux du rock. Au cours du prochain bloc, on va entendre, entre autres, la musique de Thin Lizzy et Kiss. Mais tout de suite, on va poursuivre avec ce qui se rapproche le plus d'une chanson d'amour dans le cas des CDC. Ah, bien sûr, il y a la pièce Love Song qu'on retrouve sur la version australienne de l'album High Voltage, mais je préfère celle-ci. Let me put my love into you sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières et la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Classique 89 ans. y'all fall to pieces. If I don't find something else to do, this sadness never ceases. Woman, still in love. Head keeps on reeling. It's got me in a crazy spell. Oh, darling, darling, darling, darling, darling, darling, darling. Is this the I'm still in love with you. You know, there's people out there when they say time has a way of feeling, and it can dry all the tears from your eyes. Oh, but darling, it's this empty feeling, and I cannot disguise it. After all that we've been through, me and you, I try my best, but it's no. But I will always keep on loving you. Is this the end? I'm still in love. Something I think you should know. Avec le classique Still in Love with You, tiré de l'album en spectacle Live Life. C'est surtout solo de guitare qui est tout à fait extraordinaire dans cette pièce. Solo à l'origine fait par Brian Robertson, mais sur cette pièce, sur cette version, plutôt c'est John Sykes, puisque c'est tiré de l'album, comme je le disais, Live Life, paru en 83, enregistré lors de la tournée d'adieu de Thin Lizzy. Juste avant ça, on a entendu Kiss avec Christine. 16, c'est tiré de l'album. La version spectacle tirée de l'album Alive 2, paru en 77. Et Kiss s'en vient en spectacle cet été, le lundi 13 juillet. Et les billets sont en vente demain, à partir de 10h, sur le réseau Admission. Kiss qui seront au Centre Bell, donc avis aux intéressés. Juste avant ça, au début du bloc, on a entendu AC/DC avec Let Me Put My Love Into You. Et c'est tiré de l'album Back in Black de 1980. Parmi les concerts à venir qui pourraient vous intéresser, il n'y a pas encore grand-chose du côté du rock, mais par contre, les amateurs de métal sont assez comblés. Mercredi 18 février, mercredi prochain, Meshuggah seront au Club Soda avec Cynic en première partie. C'est très bon, Cynic. Lundi 16 février, Soilwork, Darkane, Warbringer et Swallow the Sun seront au Fofun Electric. Dimanche 8 mars, Destruction, Crisian et Mantic Ritual seront au Fofun. Et le lendemain, le lundi, ils seront à l'Impérial de Québec. Bon, pour les amateurs de rock, il y a quelque chose. Il y a Fleetwood Mac qui sera au Centre Bell le mercredi 25 mars. Évidemment, soft rock. Samedi 11 avril, The Creator, Exodus, Warbringer et Epicurean seront au Medley de Montréal. Et le lundi, ils seront à l'Impérial de Québec. Jeudi 16 avril, The Haunted et Nash Mistium, groupe de Chicago que j'aime bien ces temps-ci. Ils seront au Medley de Montréal, bien sûr. Vendredi 17 avril, Lamb of God, Isaiah Lee Dying et Children of Bodom seront au Sepsum de l'Université de Montréal. Cannibal Corpse et The Faceless et Neuraxis seront medley de Montréal le mardi 21 avril et le jeudi, ils seront à l'Impérial de Québec. Il y a aussi le Pagan Fest Part 2 qui seront au medley le mercredi 29 avril avec, entre autres, il y a trois groupes que j'aime beaucoup, Corpiclani, LYT et Moon Sorrow. Et ils seront à l'Impérial de Québec le jeudi 30 avril. Opeth et Enslaved, deux groupes que j'adore, seront au medley ensemble sur la même scène le dimanche 3 mai. Et comme je l'ai dit plus tôt, Kiss au Centre Bell le lundi 13 juillet. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Saint-Valentin avec seulement des pièces de circonstance qui nous parlent uniquement d'amour, donc une émission qui devrait plaire aux amoureux du rock. Au cours du prochain bloc, on va entendre entre autres un classique de Offenbach et un de Alice Cooper, mais tout de suite, on écoute Aerosmith sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières et la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Every time that I look in jest. Jest. De 14h à 16h, le jeudi sur les ondes de CIFU 89.1, écoutez, je t'aime moi non plus. Vous êtes tanné de crier pour commander votre bière? Va te prendre une bière! Va t'en prendre une petite! Vous êtes tanné que votre bière goûte toujours la même chose? Oh non! Pas quand tu perriez avec de l'orge! Avec plus de 70 variétés de bières et plus de 30 sortes de scotch et son personnel accueillant qui saura vous conseiller, le trèfle et son ambiance décontractée est la place pour vous. 363 des Forges, ouvert 7 jours sur 7. Belle fun, sir! C'est beau à plus! Taverne irlandaise, le trèfle, 363 des Forges. Empreinte galactique, Valsalva, Elvis Versa, les mal léchés. Ils ont tous gagné les mardis de la relève du Gambrinus. Tous les mardis dès 21h, viens découvrir des bands qui ont du talent. Nombreux prix de présence. Les gagnants de cette 12e édition mériteront plus de 10 000 $ en prix, dont une séance d'enregistrement en studio et diffusion de sa chanson sur les ondes de C'est Fou. Les mardis de la relève au Gambrinus, une collaboration musique Daniel Côté, La Barrique, Studio Piccolo et Studio Newton. Un événement production Joshua et C'est Fou. C'est assez fou. Man got his woman. Take your seat. He got the power. Oh, she got the need. She spends her life through pleasing up a man. She feeds him dinner. Oh, anything she can. Cries alone at night too often. He smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Man makes your hair gray. He's your life's mistake. All you're really looking for's an even break. He lies right at you. You know you hate this game. Slaps you once in a while and you live in love and pain. She cries alone at night too often. He smokes and drinks and don't come home at all. Ooh. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. The need. She spins a life through

Offenbach avec leur classique Aïe Aïe qu'on retrouve sur leur album Traversion, paru en 1978. Et juste avant ça, on a entendu Alice Cooper avec Only Women Bleed, classique tiré de son non moins classique album Welcome to My Nightmare de 1975. Et au début du bloc, on a entendu Aerosmith avec leur premier gros canon, vrai gros canon, Dream On, tiré de leur premier album homonyme, paru en 1973. 16h56, l'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. Mon ami Mathieu vient d'arriver en studio aussi. Bonjour Mathieu. Ça va? Oui, ça va. Ça... Hey, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Qu'on t'a pas entendu au palmarès. Ben, je pense que là, vous allez pouvoir m'entendre ce soir. Oui? Ouais, ben, si les gens n'ont pas suivi... la saga. Il s'est passé... Le roman feuilleton. On va parler tantôt, je pense. Oui. Peux-tu nous parler des palmarès? Attends, je vais te trouver. OK, OK. Donc, nouvelle entrée cette semaine. On a les 4-5-4. On a André avec les Brigades Rouges. On a aussi Ariel avec une nouvelle pièce, Les Sorcières. Ça, c'est du côté francophone. Mm-hmm. Du côté anglophone, on a Red Jumpsuit Apparatus avec You Better Pray. Oui, ça nous a accroché, ça, aujourd'hui. C'était très bon, ça? Oui. Très, très, très bon. On a In-Flight Safety avec Big White Elephant et Smothered in Hugs. Avec Ghost Believer. Qu'est-ce qui était numéro 1 la semaine dernière? Du côté francophone, le numéro 1, c'était le Martin Leduc Band avec Alerte aux morts vivants. Et du côté anglophone, c'était Los Campesinos avec We Are Beautiful, We Are Doomed. Est-ce que ça tient? Mathieu ne nous le dira pas. Et pour le savoir, nous devrons rester en ondes jusqu'à 20h. Et à 20h, pourquoi ne pas rester? Parce que de toute façon, toi, tu restes. Ben, tant qu'à faire, je me suis dit, Kiwan mérite un bon congé. Après m'avoir fait souffrir mm-hmm. comme ça. Ouais. Donc, tu es en onde jusqu'à 21h. Ouais. En tout cas, si je suis pas mort d'ici la fin. Je pense pas. Tu es en santé. Ça devrait bien aller. Oh, oui, tout à fait. À 21h, ça va être les lutins de l'enfer pour les amateurs de métal. Et je vous rappelle aussi, les lundis à 19h, c'est les Voyages insolites avec Fred Durin. Et à 20h, c'est Crowdrock avec Simon Fitzbé. À 19h, les mardis, c'est Rock Révélé avec Serge Nadeau. Et à 21h, c'est l'émission réanimation de mon ami le Dr. Pendragon pour les amateurs de métal plus extrêmes. Vendredi prochain, à Rock Classique, je vais vous présenter... 3 pour 1, rock classique. Je vais vous présenter donc des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste. Je vais vous présenter entre autres une nouveauté, Silosis, c'est un groupe de thrash britannique. Je vais aussi vous présenter un groupe anglais très obscur du début des années 80, Witchfinder General. Si vous avez des demandes spéciales et des commentaires, vous pouvez me joindre à l'adresse suivante. rockclassique@hotmail.com. Exactement, rockclassique@hotmail.com. Je vous laisse avec une pièce une pièce d'un véritable joli cœur. Aujourd'hui, notre thème, c'était bien sûr la Saint-Valentin. Donc, c'est une pièce d'amour de la part de Lemmy. Ça s'appelle Love Me Like a Reptile. Ça vient de l'album Ace of Spades. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Excellente Saint-Valentin, tout le monde. Salut! I'm gonna sing my fans in you.